histoire. السخريه اللي مني اثارت عفوا ايضا. لا عفوا النكته وصلت العاصمه كانت يا ملعون. وصلت العاصمه يا ملعون اي لا هذه اي خلص لكن في النكته اللي هي يسامحونا عن ابي وي alors donc la nocta elle donne un autre point de vue. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Ça permet en fait de c'est presque de l'histoire en image quoi. Quand les Houthis arrivent, il y a Saleh qui demande à un de ses collaborateurs, mais tu crois qu'ils vont nous excuser parce que on a fait quand même les 6 guerres contre eux. Tu crois qu'ils vont nous excuser? Alors le collaborateur dit non, monsieur le président, non, c'est sûr. Regardez, ils ont déjà pas pardonné encore à Yazid ben Muawiya, donc c'était le calife. Le calife Omeyyade qui avait tué Hassan et Hussein à la bataille de Karbala au 7e siècle. Donc s'il ne lui a pas pardonné à lui, comment il va vous pardonner?